Merci d'être venus si nombreux. Donc, je parle au nom du laboratoire Junior et Vie, dont on est par les membres ici. On est très honoré d'accueillir Jean-Jacques Courpiec dans le cadre du séminaire qu'on organise. Je vais vous passer de faire une présentation. Hein, si vous êtes là, c'est que vous avez reçu le mail sur lequel on proposait une biographie et une présentation. C'est-à-dire Jean-Jacques Courpiec sera toujours plus intéressant que ce que je pourrais en dire ici. Je voudrais simplement noter. On est ravis de l'accueillir dans un espace aussi prestigieux, donc l'amphithéâtre Schrödinger sur le site Jacques Monod. C'est d'autant plus intéressant que la théorie de l'ontophylogénèse se fonde sur une critique d'abord de la thèse de Schrödinger dans Qu'est-ce que la vie, et dans un second temps sur la théorie de la stéréospécificité, défendue en partie par Jacques Monod. C'est donc un hommage à l'esprit critique de la science et à sa capacité à produire des conflits sains et douloureux. Qu'on voit de se trouver ici. Je voudrais enfin conclure sur le fait que la séance sera enregistrée et simplement disponible au plus tard sur le site internet du laboratoire Junior EVI, Enquête sur le vivant. Sur Google, il suffit de taper Enquête sur le vivant. Où vous pourrez donc trouver certainement des informations sur les actualités du laboratoire et cette conférence. Oui, tu voulais ajouter quelque chose sur les dispositifs. Je voulais simplement dire, je vais faire passer une feuille pour ceux qui veulent nous donner les adresses internet. On pourra vous rappeler si besoin l'adresse du site internet, mais aussi pour ceux qui voudraient être inscrits à la liste de diffusion du laboratoire Junior. Si ça vous intéresse d'être prévenu des différents événements de ce laboratoire et de tout ce qui tourne autour de sa problématique, donc enquête sur l'homme vivant. Jean-Jacques, à toi. Merci à toi. Bien, merci pour l'invitation. Donc, pendant le séminaire, je vais essayer de développer deux idées principales. La première, c'est que le vivant est intrinsèquement probabiliste et que de ce fait, la notion de programme génétique est caduque. Donc, vous savez peut-être ou vous devez savoir que depuis une dizaine d'années, il est maintenant démontré que l'expression des gènes est un phénomène stochastique, d'une série de travaux qui sont accumulés, ça a commencé un petit peu avant, à partir des années 90. Mais l'expression stochastique des gènes est interprétée comme du bruit. On appelle ça dans la littérature anglo-saxonne « noise of gene expression ». Donc on considère, c'est-à-dire qu'on considère que l'expression des gènes intègre une dimension stochastique, mais ça ne remet pas en cause la théorie du programme génétique. On considère que c'est simplement, en quelque sorte, une marge de fluctuation, une marge d'ajustement ou une marge de fluctuation aléatoire dans l'expression du programme génétique. Donc, ce que je vais essayer de montrer, c'est qu'en fait, cette dimension stochastique implique un réaménagement de très grande ampleur en biologie et que ce réaménagement mène obligatoirement à la dissolution du concept même de programme génétique. La deuxième idée que je vais essayer de développer, donc c'est cette idée que l'ontogénèse et la phylogénèse ne forment qu'un seul processus. Donc, vous savez également qu'en biologie, on considère qu'il y a deux phénomènes qu'on considère comme totalement distincts. D'un côté, l'évolution des espèces, et d'un autre côté, la phylogénèse, et d'un autre côté, la genèse des organismes individuels, donc l'ontogénèse ou l'embryogénèse. Et donc, on considère qu'il s'agit de deux phénomènes distincts qui sont donc expliqués par deux théories distinctes clairement définies. D'un côté, la théorie de la sélection naturelle, donc pour la période moderne, pour l'évolution des espèces. Et puis l'embryogénèse qui est expliquée comme étant l'expression de le développement, l'expression, l'actualisation du programme génétique par la biologie moléculaire. En fait, cette manière de séparer pose toute une série de problèmes récurrents, notamment en ce qui concerne l'évolution des espèces. Donc là, l'an dernier, c'était l'année Darwin. On n'a pas arrêté, On a entendu parler, on a entendu cette expression répétée tout le long de l'année, mais en fait, c'est une expression qui est un abus de langage, parce qu'à proprement parler, les espèces n'évoluent pas. Pourquoi est-ce que les espèces n'évoluent pas? Parce que l'espèce est une abstraction. Dans la nature, il n'y a pas une espèce cheval ou une espèce lapin ou un prototype de l'espèce cheval ou un prototype de l'espèce lapin qui évolue. Ce qui existe réellement, ce sont des individus, des populations d'organismes individuels. Et des populations d'organismes individuels qui se multiplient eux-mêmes par la génération. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui existe réellement, ce sont des lignées généalogiques qui voient la multiplication ininterrompue d'individus. Et c'est à partir de ces populations qu'on abstrait, qu'on reconnaît et qu'on abstrait des espèces. Donc ce qui évolue réellement, en fait, ce sont ces individus à travers la génération. Ce que je viens de dire, c'est un résumé extrêmement synthétique, en fait, de l'analyse qu'a faite Darwin dans l'origine des espèces. Si vous l'avez lu ou si vous le lisez, vous verrez qu'il procède à une déconstruction du concept réaliste de l'espèce, pour adopter un point de vue nominaliste, et il finit par proposer une définition de l'espèce qui est une définition généalogique. Pour Darwin, textuellement, une espèce, c'est un ensemble d'individus qui ont un ancêtre commun. Donc on passe d'une définition typologique de l'espèce à une définition généalogique. Et ce qui est réel, ce qui est implicite dans cette manière de voir, c'est que ce qui est réel, ce n'est pas l'espèce qui est une abstraction, mais c'est la lignée généalogique. Cette lignée ininterrompue qui a commencé à partir du moment où le vivant est apparu. Alors maintenant, en ce qui concerne l'ontogénèse. L'ontogénèse, donc on est persuadé qu'il y a un processus qui s'appelle l'embryogenèse qui a pour but de créer des organismes individuels. Mais cette manière de voir, elle est tout aussi arbitraire. Alors c'est évident que nous, on a tendance à faire une projection anthropocentrique et on est persuadé que ce processus a pour but de nous créer. Mais si on prend un peu de distance, ici aussi, ce à quoi on a affaire, c'est une succession d'êtres qui se reproduisent à l'infini. Une lignée généalogique qui voit se succéder des formes, des phases cycliques, des phases unicellulaires, cellules germinales, qui donnent des êtres multicellulaires, qui vont redonner des cellules germinales, donc à nouveau une cellule, etc., etc. Et nous, évidemment, on fige un instant qu'on appelle l'individu sur un processus continu et ininterrompu. On pourrait très très bien inverser le point de vue et dire que ce qui est réel, après tout, pourquoi ça ne serait pas l'ovogénèse? Et d'une certaine manière, c'est le point de vue de la génétique dans ses interprétations extrêmes. Pour Weismann, ce qui était réel, c'était la lignée germinale. Et pour quelqu'un comme Dawkins, qui on peut considérer que c'est l'ultra-généticien par excellence, ce qui est réel, ce sont les gènes, et nous ne sommes que des avatars destinés à propager les gènes. En vérité, les deux points de vue sont aussi vrais et aussi faux l'un que l'autre. Ce sont des points de vue. Ce qui est réel, la seule chose qu'on peut dire, ce qui est réel, si on essaye de s'abstraire de toute projection, c'est que on a affaire à un phénomène cyclique, ininterrompu, à nouveau, qui voit la succession, la reproduction de ce qu'on appelle des organismes individuels et qui voit se succéder des phases cellulaires, multicellulaires, cellulaires, multicellulaires. Donc, si on procède à cette analyse, on s'aperçoit que dans les deux cas, dans l'ontogénèse comme dans la phylogénèse, on bute en quelque sorte sur une réalité unique qui est la lignée généalogique. Donc ce point de vue sur l'ontogénèse, à nouveau à la même époque que Darwin, il y a un biologiste qui l'a exprimé très clairement et très explicitement, c'est Claude Bernard dans Les leçons sur les phénomènes de la vie. Donc ce concept d'ontophylogénèse que j'ai introduit cherche à capter cette réalité unique, sous-jacente à ce qu'on appelle l'ontogénèse, habituellement ce qu'on sépare et ce qu'on appelle l'ontogénèse et la phylogénèse. Et si on va un peu plus loin, si on reconnaît qu'on a affaire à un phénomène unique, a priori, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas avoir une théorie unique, qu'il n'y ait pas un mécanisme unique qui permette d'expliquer ce phénomène unique. A priori, on doit pouvoir procéder à une réduction et ne pas avoir deux théories, mais une seule qui permette d'expliquer ce phénomène unique. Et c'est ce que j'appelle le darwinisme cellulaire et que j'essaierai d'introduire également. Et dans la troisième partie de l'exposé, on verra comment, à partir de ce cadre théorique général, cette réinterprétation générale des faits biologiques, on peut revenir vers des phénomènes plus concrets, notamment la différenciation cellulaire, déboucher sur des interprétations plus précises de ces faits biologiques et également sur un programme de recherche expérimentale. Donc, pour commencer et pour comprendre donc comment se posent ces questions aujourd'hui, on va revenir sur les débuts de la biologie moléculaire. Donc, comme Baptiste l'a indiqué, on se trouve dans l'amphithéâtre Schrödinger. Donc, il se trouve que Schrödinger a joué un rôle important en biologie moléculaire. Donc, c'était un physicien et il est surtout connu pour ses travaux de physique quantique. Mais comme beaucoup de physiciens, et en fait la biologie moléculaire, vous devez le savoir également, au départ a été créée par des physiciens, notamment un physicien qui s'appelait Maxime Delbruck, qui avait créé le groupe du phage dans les années 30-40. Et donc à la même époque, Schrödinger s'intéressait aussi beaucoup à la biologie, mais d'un point de vue théorique, et il a écrit un livre qui s'appelle « What is life ?»« Qu'est-ce que la vie ?» publié en 1944, dans lequel il a popularisé tous les concepts de la biologie moléculaire naissante, notamment beaucoup des concepts et des travaux qui avaient été introduits par Maxime Delbruck. Et donc, dans la première partie de ce livre, il pose la question d'où vient l'ordre dans les systèmes naturels, et par là même, il pose la question du rôle de l'aléatoire dans la genèse de l'ordre dans les systèmes naturels, et il trace d'emblée une séparation très nette entre la physique et la biologie. Donc selon Schrödinger, en physique opère ce qu'il appelle un principe d'ordre à partir du désordre. Donc ce à quoi il fait allusion, donc c'est la physique statistique. En physique, au niveau microscopique, le comportement des particules, atomes ou molécules, particules subatomiques, est stochastique, est aléatoire, soumis à l'agitation thermique. Mais si vous considérez le même système au niveau macroscopique, du fait du nombre immense de particules qui est impliqué dans tout système physique, opère la loi des grands nombres, donc il y a une réduction de la variance globale du système et on a en quelque sorte, on observe la moyenne des comportements de toutes les particules que l'on peut parfaitement décrire par des lois déterministes parce que la variabilité, la variance du système devenant négligeable, on peut parfaitement décrire. Alors l'exemple canonique, c'est la diffusion. Vous mettez une goutte de vinaigre dans un verre d'eau, chaque molécule de vinaigre va bouger selon une marche aléatoire et vous pouvez la décrire que de manière statistique. Mais si vous considérez la goutte dans son ensemble et vous regardez la cinétique de dilution du vinaigre dans le verre d'eau, vous pouvez le décrire par les lois de Fick, qui sont des lois déterministes. Alors la question, donc, en physique, ordre, principe d'ordre à partir du désordre, selon Schrödinger. Et donc ça veut dire également que l'ordre est subjectif, finalement, puisque ça dépend du niveau d'observation et ça dépend de l'observateur. Selon que vous vous placez au niveau microscopique ou au niveau macroscopique, vous avez affaire à un phénomène désordonné ou un phénomène ordonné, probabiliste ou déterministe. Et que c'est qu'une approximation, finalement.